on va signer le contrat. Le contrat? De qui donc? De mademoiselle Stella. De ma... De la petite bourgeoise? Oui, allez, partons. Un instant, faut que je vois ça. Ma fille, enfants, laisse ta noble famille et partons, partons sur le champ. Suivez-moi tous, partons bien vite. Non, non, vous ne sortirez pas. Et pourquoi? Les Français de Novare à cette heure sont partis. Que dit-il? Que dit-il? Partis jusqu'au dernier, vous êtes seul dans ma demeure. Et je vous fais mes prisonniers, mes bon prisonniers. Prisonniers, prisonniers. Tu plaisantes, mon bon. Faites-nous place, mon bon. Allons, sabre en main. C'est la danse qui commence. Formons le bataillon carré. Formons le bataillon carré. Formons le bataillon carré. Formons le bataillon carré. Venez, venez.